En signe de soutien à la déclaration du porte-parole de l'état-major général de l'armée populaire de Corée, qui a proclamé de châtier sans merci par les frappes de représailles militaires justes les provocations insensées américaines et sud-coréennes, le comité préparatoire suisse pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes Paektusan 2017, le comité Suisse-Corée et le cercle d'études des Edutsutse de Suisse, ainsi que l'association d'études de la politique de Sungun, le cercle d'études des Edutsutse de la Grande-Bretagne, l'association d'amitié Grande-Bretagne-Corée et le comité préparatoire britannique pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes Paektusan 2017 ont publié respectivement les 22 et 23 courants une déclaration. Par ailleurs, Demot Hudson, président de l'association d'études de la politique de Sungun de la Grande-Bretagne, a présenté un écrit le 23 dans le journal The New Vokan en signe de soutien à l'essai d'explosion de l'ogive nucléaire qui a manifesté le prestige de la puissance nucléaire Chuse.